l'heure où j'écris ce texte. Je suis assis au fond de la classe, comme d'habitude, la tête dans les espaces. Je me sens perdu dans une impasse. Pourtant, dès le début, je me suis toujours battu pour être là où j'en suis. Et aujourd'hui, j'ai trop les nerfs quand je réalise qu'il me reste encore du chemin à faire. Dites-moi ce que je dois faire, continuer tout droit ou faire demi-tour. Continuer la tête baissée ou faire marche arrière. Je le dis cash, je me bats pas pour un succès. Mais si je continue, ça sera la tête haute. Quand je regarde autour de moi, y'en a plein qui me supportent et plein qui me boycottent. Voilà ce que le rap m'apporte. Ceux qui dès le début n'étaient qu'une passe-temps me prend beaucoup trop de temps. Arrêtez maintenant, c'est une perte de temps. Soucieux de ce qui m'attend, je lâche pas le combat. Certains me disent, wesh Edman, faut que tu fasses du lourd, faut que tu fasses des textes un peu violents. Mais moi, je m'en bats les couilles quoi. Et je reste moi-même. Un jour, j'arrêterai, non pas pour les jaloux, mais pour ceux et celles que j'aime plus que tout. C'est vrai, le rap a fait de moi un ego, mais c'est pas pour ça que je vous ai tourné le dos. Je regrette tout et rien, et je tiens toujours à vous malgré tout. Non, j'ai pas un cœur de pierre. Vous savez, ça joue le dur, mais au fond, c'est gentil. Plus que tout. Trop de jaloux et ça partout. Parfois même je me demande si ça vaut la peine de continuer. Hey, je vise pas le sommet. Je me prends pas non plus pour l'espoir du rap français. Mais un truc est sûr, je vais tout foncer. Le combat continue, mais je risque d'abandonner. Du jour au lendemain je peux tout plaquer. Car pour moi, arrêter c'est trouver la paix. J'écris des textes pour les blédards, mais aussi pour les banlieusards. Ok, je me sens perdu dans une impasse. Je parlerai toujours de misère et de galère, de solitude, de solidarité. Et comme mon pote m'a dit, je parlerai toujours de souvenirs.